à l'acte sexuel en lui-même, al-jima'. Il va nous dire le shir, bien entendu, que ce soit avec une femme ou autre qu'une femme. Tout cela, bien entendu, c'est strictement interdit. Et il va nous dire donc, de même, ce qui va rentrer dans ces al-muqaddimat, ou alors ce qui en fait partie, donc le fait d'embrasser, de donner un baiser, al-qubla, également le fait de toucher avec la main, et également le fait de regarder, bishahwa, le fait de regarder avec envie. Et il nous dit ensuite, fa'in jama'a fasada hajju, enam. Et on a vu donc, précédemment également, que la seule chose qui annule le hajj, qui annule complètement le hajj, et qui rend donc le hajj invalide, c'est al-jima' lui-même, c'est le rapport sexuel lui-même. C'est le rapport sexuel lui-même. Et donc ici, pas al-muqaddimat, tout ce qui rentre donc dans ce qui précède al-jima', mais le rapport sexuel en lui-même. Donc s'il y a rapport sexuel à ce moment-là, et que la personne bien entendu est en état d'ihram, alors à ce moment-là, le hajj, il est strictement annulé. Il nous dit le shir, وَفِي الْإِنْزَالِ بِغَيْلِ الْجِمَعْ نِزَعْ. C'est-à-dire que si il advient de la personne une éjaculation en dehors du rapport sexuel, alors qu'il n'y a pas eu rapport sexuel, alors il y a ici une divergence entre les savants. Mais on va comprendre ensuite, à la fin de la phrase de la parole du shir, que cela la yufsid al-hajj, c'est-à-dire que cela ne va pas annuler le hajj, mais qu'il devra expier, c'est-à-dire donc ad-dam. Bien entendu, lorsqu'on dit ad-dam, c'est qu'il devra donc expier. C'est pour ça qu'il dit wala yafsud al-hajj bi shay'in min al-mahdhurat illa bi hadha al-jins. Bien entendu, al-jins ici bi ma'na al-jima', bi ma'na al-jima'. C'est pour ça qu'il nous dit que donc s'il embrasse avec désir, ou alors s'il y a ou amza bi shahwatin, amza bi shahwatin, donc s'il sort de lui al-madhi li shahwatin, alors qu'il y a eu bien entendu ici un désir, bien entendu en dehors du rapport sexuel, fa'alayhi dam, donc il devra expier cet acte-là. Amza qui vient du terme donc al-madhi qui n'est pas bien entendu al-mani, donc ici il y a une différence. C'est-à-dire donc, la personne, si après qu'il y ait eu un désir de sa part, et qu'il est sorti donc le produit, lorsqu'on a un désir qui est transparent, et qui n'est pas bien entendu le sperme en lui-même, taïb, donc, si cela sort de l'homme ou de la femme, et que ça a été dû donc à un désir, fa'alayhi dam, alors il devra expier. Donc, on en revient à ce qu'il a dit auparavant, wafil inza libiré l'iljimar nizar. C'est-à-dire que le shir ici ne va pas nous rapporter son avis, il va en rester à tout simplement citer la divergence qu'il y a entre les savants lorsqu'il y a, bien entendu ici l'inzal, c'est lorsqu'il y a l'éjaculation, donc lorsque le sperme sort, la différence qu'il y a entre el-medhi. C'est pour ça que le verbe ici qui était ensuite employé, amza. Donc le shir ne donne pas son avis, mais il nous rappelle simplement que si la personne a une éjaculation sans qu'il y ait un rapport sexuel, alors il y a ici un irtilaf entre les savants. Mais on a vu que pour ce qui était de la plupart des savants, il faut qu'il y ait un jima', c'est-à-dire donc el jima' en lui-même, le rapport sexuel. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, le shir, il passe à un autre chapitre, fayaqul fasl. Il va commencer à nous expliquer lorsqu'on va arriver donc à Mecca, qu'est-ce qu'on doit faire de manière chronologique. Fayaqul, rahimahullah, إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلى ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كداء بالفتحة والمد المشرفة على المقبرة ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة ثم ذهب إلى الحجر الأسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلى ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد ولا عند الجمرات مساجد بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية ومنها ما أحدث بعد ذلك فكان البيت يرى قبل الدخول المسجد. Ici le cheikh donc il va nous dire ce que le à quel moment ou plutôt par quel endroit le prophète sallam il est rentré à Mecca. Il nous dit dans un premier temps lorsque le pèlerin al-muhrim celui qui en est à l'ihram il arrive donc à Mecca, il lui est permis de rentrer à la Mecque et de rentrer dans la mosquée min jami' al-jawanib, c'est-à-dire de tous les côtés. C'est-à-dire ici donc il n'y a pas l'obligation de rentrer d'un côté spécifique. De tous les côtés, il peut rentrer. Par contre ici il y a al-afdaliya, c'est pour ça qu'il dit lakin al-afdal an ya'tiya min wajh al-Ka'ba. C'est-à-dire le meilleur, et comme va nous dire le shir iqtida'an bin nabi, en suivant donc ici la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait lorsqu'il est venu à Mecca en tant que muhrim pour faire donc son pèlerinage, il est rentré du côté le plus élevé, min wajiha min nahiyat al-ulya, où se trouve une porte qui s'appelle al-ma'la. Donc tous ces termes bien entendu que l'on reprend. Il nous rappelle ici le shir rahimullah qu'il n'y avait pas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Mecca ou pour Médina des remparts ou alors des portes posées, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est rentré min al-thaniya. Al-thaniya, ce terme là c'est une ouverture que l'on trouve entre deux collines ou alors un passage qui se trouve qui va traverser une colline, tout ça on appelle ça al-thaniya. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous dit, walakin dakhalaha min al-thaniyati al-ulya. Donc, de ce qu'on appelle al-thaniya, de cette ouverture la plus haute. Et qui a un nom qui s'appelle thaniyatu kadda, kadda akada, avec al-kaf, kadda bil fath wal mad. Et qui va donc elle s'ouvrir sur al-maqbara, sur le cimetière. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré dans la mosquée, il est rentré de la porte qui est considérée comme la plus grande, min al-bab al-a'zam, et que l'on appelle bab bani Shayba, jusqu'à nos jours bien entendu, bab bani Shayba. Donc la personne, si elle a la possibilité de rentrer de par cette porte bab bani Shayba, alors qu'elle le fasse iqtida'an bin nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il lui est permis donc de rentrer de tous les côtés. Et lorsqu'il est entré par cette porte là donc, il s'est ensuite dirigé le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la pierre noire directement. Pourquoi? Parce qu'en réalité Bani Shayba c'est la porte qui va mener directement à la pierre noire, qui va donc la plus proche pour celui qui est rentré donc min bab al-ma'ala, ici bien entendu ce qui concerne l'entrée de Mecca. Et il nous rappelle le shir qu'il y a bien longtemps à Mecca il n'y avait aucune construction qui était plus haute que la maison sacrée, ou alors une construction qui a empêché que l'on voit de loin la maison sacrée, Al-Ka'ba. Il nous dit également qu'à cette époque il n'y avait pas à Safa ou Al-Marwa, également Al-Mash'ar Al-Haram, de Bina, donc de construction, et qu'il n'y avait pas également à Mina ou à Arafat de mosquée, et qu'il n'y avait pas également près des Al-Jamarat de mosquée. Il nous a dit que tout cela est arrivé après, que tout cela est arrivé donc après Muhdatha. Bien entendu Muhdatha, le terme des choses qui sont venues après Al-Khulafa Al-Rashidin, qui sont venus donc après les quatre califes bien guidés. Il nous dit parmi ceux qui ont donc qui ont innové ces choses, ominama uhditha ba'd ad-dawlati al-umawiyya, après donc l'empire, ou alors après l'état al-umawiyya, et certaines choses qui ont été innovées ensuite, encore plus tard. C'est pour ça qu'il nous dit fa kana al-bayt yura qabla dukhul al-masjid, c'est-à-dire bien avant qu'on rentre dans la mosquée sacrée, on voyait déjà de loin al-Ka'ba. Ensuite il nous dit le shir wa qad dhakara ibn Jarir أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزد من شرفه وكرمه ممن حجوا أو اعتمروا تشريفا وتعظيما فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك بل تحية المسجد الحرام والطواف بالبيت. Ensuite le shir nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, comme l'a rapporté Ibn Jarir, lorsqu'il a vu la maison, donc il l'a vu avant qu'il est rentré même dans la mosquée, vu qu'on la voyait à cette époque bien avant de rentrer dans la mosquée, il a dit une dua. Allahumma zid hadha al-bayt tashrifan wa ta'dhiman. Donc il demande à son Seigneur d'augmenter cette maison en honneur, etc. Et également d'augmenter ceux qui vont la visiter, ou alors ceux qui vont l'honorer, parmi ceux qui font le hajj, ceux qui font la umra, également de les honorer. Eux également de les honorer. À la kulli hal, pour ce qui est de ce hadith, sachant qu'il y a certainement plusieurs asanid et que ça demande une recherche, à la kulli hal, l'imam al-Albani rahmatullah alayhi, dans son livre Difa' an al-Hadith al-Nabawi, un livre qu'il a écrit donc pour mettre en avant ce que le docteur al-Bouti il avance comme hadith qui ne sont pas authentiques, même des hadiths qui sont mawdou', il nous rappelle que ce hadith il est rapporté par l'imam al-Tabarani, également par l'imam Ibn Sa'd, et que dans sa chaîne de transmission, il y a un rawi qui s'appelle Asim ibn Sulayman al-Kuzi, et qu'il est, comme il le rapporte donc de beaucoup de savants du Jarh wa Ta'dil, que c'est un kazzab ou un matruk, donc une personne qui est menteur. Ça c'est la pire des wasf, c'est la pire des caractéristiques que l'on peut donner à une personne parmi ceux qui rapportent le hadith kazzab, c'est-à-dire un menteur, c'est-à-dire qui ment sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la pire des choses. C'est pour ça que le cheikh voit que c'est un hadith qui est da'if jiddan. Il dit bel mawdou', même qui n'a pas donc de asl. À la kulli hal, il se peut qu'il y a d'autres également isnad pour ce qui est de ce hadith, car celui qui fait tahqiq du livre même, il dit qu'il est rapporté également par l'imam al-Bayhaqi fi Sunan al-Kubra, et qui se trouve également fi Tartib Musnad al-Shafi'i, mais que c'est un hadith qui est lui mursal. À la kulli hal, c'est un hadith qui n'est pas authentique, qu'on ne prend pas en compte. Donc le cheikh ici l'a cité, mais il faut savoir donc que ce hadith il n'a aucune isnad, comme le rapportait beaucoup, qui n'a aucune isnad sur lequel on peut s'appuyer. Et donc c'est un hadith qui est au minimum da'if, sinon même mawdou', comme l'ont cité certains comme Cheikh Al-Albani. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite il va dire le cheikh rahimahullah que la personne, la première chose qu'elle fait lorsqu'elle va rentrer dans la mosquée, c'est de commencer bit tawaf. Enam. C'est de commencer bit tawaf. Donc elle commence à faire le tawaf autour de la maison sacrée. Ça c'est la première chose. Et il va nous dire qu'il n'a pas à prier. Et qu'il n'a pas à prier ce qu'on appelle tahiyatul masjid. Car elle dit, pour ce qui est du pèlerin, ou alors de celui qui fait la umrah, et qui rentre donc pour faire son tawaf, il dit lui, que tahiyatul masjid à ce moment-là, ce n'est pas donc de raka'a qu'on va faire, deux unités de prière, mais c'est tout simplement at-tawaf. Par contre ici, c'est que la personne, il se peut qu'au moment où elle va rentrer, elle n'a pas la force, par exemple, du fait de la fatigue, et qu'elle a besoin de se reposer avant de commencer le tawaf. Ça, c'est tout à fait possible. Donc à ce moment-là, si elle veut se reposer, donc s'asseoir dans la mosquée avant de commencer le tawaf, alors à ce moment-là, elle doit faire tahiyat al-masjid. Tahiyat al-masjid. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas commencé par le tawaf. Mais entendu ici, l'udhr, que ce soit la fatigue ou autre, qu'elle est obligée donc de s'asseoir. Ensuite, yaqul, rahimahullah, wa kana sallallahu alayhi wa sallam, yaghtasilu lidukhuli makkata kama kana yabitu bi dhi tuwa, wa huwa 'inda al-abar, allati yuqalu laha abar az-zahir. فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا وإلا فليس عليه شيء من ذلك. Donc le shir nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré à Mecca, ou avant même de rentrer à Mecca, il s'est lavé et que il a passé la nuit dans un endroit qui s'appelle Zutwa, et qui se trouve auprès de Al-Abar, c'est-à-dire les puits, que l'on appelle Abar Zahir. Donc tout ça, bien entendu, c'est des noms. Donc il nous dit le shir, pour celui dont il lui est facilité de pouvoir dormir à cet endroit-là, avant de rentrer à Mecca, et qui lui est également donc facilité de se laver, alors qu'il le fasse, Iqtida'an bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Tayyib, et qu'il rentre ensuite durant la journée, comme il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il n'a pas la capacité de faire cela, alors il n'y a rien, il n'y a absolument rien, car cela n'est en aucun cas une obligation. Et donc beaucoup de gens se trompent lorsqu'ils disent qu'avant de rentrer à Mecca, il faut obligatoirement se laver. Ça rentre pas dans ce qui est obligatoire. Ça reste une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De même pour ce qui est d'al-mabit, bidhi-towa, de dormir à cet endroit et de rentrer uniquement durant la journée. Tout ça, ça rentre donc dans ce qui est de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas du domaine de l'obligation. Ensuite, يقول وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبلوه استقبالا ويستلمه ويقبل إن أمكن ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه فإن لم يكن استلمه وإلا أشار إليه ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره وليس عليه أن يذهب إلى ما بين ركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف بل ولا يستحب ذلك ويقول إذا استلمه بسم الله والله أكبر وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان أكثر الحجر لما كان أكثر الحجر من البيت والله أمر بالطواف به ولا بالطواف فيه. طيب. Ensuite, le shir nous dit que lorsqu'il rentre dans la mosquée, il commence donc bit tawaf, comme l'a fait le prophète sallam, et qu'il commence donc à se placer en face de al-hajar al-aswad. فيبتدي من الحجر الأسود. C'est qu'il commence donc, son point de départ, c'est la pierre noire. C'est la pierre noire. يستقبله استقبالا. C'est-à-dire donc qu'il va la toucher. Qu'il va la toucher. Et même يقبله. C'est-à-dire qu'il l'embrasse, si cela est possible. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir nous dit ici, en remarque, ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه. C'est-à-dire donc qu'il ne fasse préjudice à autrui. بالمزاحمة. Donc en essayant de passer en force. Ça, il n'a pas à le faire. Wala yudhi ahadan bil muzahamati alayh. Et on se rappelle ce hadith de Omar, ou Arfan, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit à Omar, hadith qui est authentique, lorsqu'il lui a dit, innaka rajulun shadid, tu'udhi al-da'if, idha tufta bil bayt, fa idha ra'ayta khalwatan min al-hajar, fadnu minhu, wa illa fakabbir, thumma mdi. Un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bayhaqi fi Sunan al-Kubra. C'est-à-dire que, il lui a fait la remarque que Omar c'était une personne qui était forte et que donc il faisait préjudice à celui qui était faible. Donc de par son corps, sans même le faire exprès, lorsqu'il faisait le tawaf. Et il lui a rappelé que si donc il voyait à un moment une place vide devant Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire, alors qu'il se rapproche, sinon, Fayukabbir, c'est-à-dire qu'il dit simplement Allahu Akbar et il continue Thummamdi. Donc la personne, c'est la possibilité de faire cela, elle le fait, et c'est un bien, et c'est une sunna. Et on sait que Al-Hajar al-Aswad, cette pierre donc, yakun shahidan lahu yawm al-qiyamah, s'il l'embrasse, c'est-à-dire donc qu'elle témoignera de cela le jour du jugement. Mais s'il n'a pas la possibilité, alors de loin il fait signe, ou alors il la touche de sa main et ensuite yuqabbil yadahu. Tayyib. Donc ici, pour récapituler, on va s'apercevoir qu'il y a trois choses que l'on peut faire. C'est soit yuqabbiluha mubasharatan, c'est-à-dire donc qu'il l'embrasse directement. Ou s'il ne peut pas, donc qu'il la touche avec sa main et qu'ensuite il embrasse sa main. Tayyib. Et s'il ne peut pas, alors il fait le signe vers Al-Hajar al-Aswad. Mais à ce moment-là, lorsqu'il fait le signe, il n'embrasse pas sa main. Il embrasse sa main uniquement s'il l'a touché. Également, on peut rajouter, ça rentre, Fimarna al-Yad, comme l'a fait le prophète sallam, c'est-à-dire s'il y a une canne, la personne elle a une canne, un bâton ou autre, alors elle peut toucher la pierre noire avec le bâton ou la canne, Tayyib, ça également c'est possible. Et lorsqu'il a également donc touché avec son bâton la pierre noire, il peut également embrasser son bâton. Il embrasse également son bâton comme il l'a fait, il l'aurait fait avec donc sa main. Donc ça c'est tout ce qui est permis pour ce qui est de toucher la pierre noire. Taïb, on va s'arrêter ici, inshallah ou ta'ala, pour ce qui est d'aujourd'hui, pour ce qui est du cours. Donc on rappelle qu'on a commencé le cours à 8h. Qu'il y avait beaucoup d'absents. Khair, inshallah, peut-être qu'ils n'avaient pas su pour le cours d'aujourd'hui. Et que le prochain cours, bi'idhnillah, ce sera vendredi. À la même heure. Inshallah ou ta'ala. Subhanakallah bihamdika. Shadwan la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.